Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Pekawa dajmerin la yak hata yanzda. Yak, du, se. Sar, penz, shash, haft, hasht, no, da, yanzda. Yak, du, se. Sar, penz, shash, haft, hasht, no, da, yanzda. Yak, du, se. Sar, penz, shash, haft, hasht, no, da, yanzda. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Pekawa darein rojakani haftakei. Yak shamu, du shamu, se shamu, sar shamu, pens shamu, haini shamu. Yak shamu, du shamu, se shamu, sar shamu, pens shamu, haini shamu. Yak shamu, du shamu, se shamu, sar shamu, pens shamu, haini shamu. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Pekawa mangekani sare derin. Khakalew, banawar, zozardan, pushpar, kharmanan, galawesh, mushahan, razwar, sarmawar, befirbarin, Rebendan, Rashama, Khakalew, Banawar, Zozardan, Pushpar, Kharmanan, Galawesh, Mushahan, Razwar, Sarmawar, Befirbarin, Rebendan, Rashama, Khakalew, Banawar, Zozardan, Pushpar, Kharmanan, Galawesh, Mushahan, Razwar, Sarmawar, Befirbarin, Rebendan, Rashama.